dans mon époque, maintenant libre. Assumée, femme d'aujourd'hui. Je vois un homme qui me plaît, je le lui dis. Je veux le connaître et puis c'est tout. Et je crie, monsieur, je vous aime. Mon époque, mon époque mystérieuse, mystérieuse. Viens dans mon époque de femme libre, viens dans mon époque de femme assumée, viens dans mon époque. Je suis dans mon époque ici. Et viens danser avec moi. Je suis dans mon époque maintenant. Et laisse-moi t'aimer, monsieur. Viens dans mon époque. Les années 50, j'ai fermé la porte, j'ai brisé les barrières. Je peux pas repartir en arrière. T'as crié monsieur, j'ai crié madame, mais répondez-moi. Les tables sont vides chez nous. Dans mon époque, y'a pas de mémoire. Moi j'ai peur de revenir, et toi t'as besoin d'amour.